Exercice 5, page 108. A. Elle est en panne. B. Tu crois qu'on sonne ? C. Qu'est-ce qu'ils dessinent bien ? D. Ils prennent leur temps. E. Ils donnent son nom. F. J'ai 15 de moyenne.